C'était la première fois que je vis cela. J'étais juste venu poster une lettre chez toi. Ce jour-là, t'étais pas là, mais tes amis étaient là, dans la grange de Sweet Bernickers. Un chapeau comme Jesse James, des couettes dans ta crinière, des taches de rousseur et tes yeux verts. Je me suis senti comme tes potes, par une ruade près du lac. Dans ton panier, je suis tombé, Applejack. Cette force de caractère qui me plaît chez un poney. T'étais parti gagner le rodéo de Nanterre-Lotte. Tu n'es pas retourné à Bonnyville comme espéré. T'avais peur de revenir comme une idiote. Un chapeau James, des couettes dans ta crinière, des taches de rousseur et des yeux verts. Je me suis senti comme tes potes, par une ruade près du lac. Dans ton panier, je suis tombé, Applejack. Et peut-être un jour tu verras. Fais ton poney tabernacle. Dans mon panier, tu tomberas, Applejack. Dans mon panier, tu tomberas, Applejack.